l'annonce d'une mort chronique, gavé d'histoires de fric et des images d'Amérique, vivant la réalité comme un clip. Des kiss, des en casquette se prennent pour des guerriers. Partout dans mon écart, j'évite les contrôles comme une phobie. Dehors c'est la jungle, à chaque pas je surveille mes arrières. Je fais sauter les barrières, prêt à botter des derrières. Les bases années dérangent, les années passent et rien ne change. Sinon qu'ils voudraient nous faire taire par la censure de l'État. Le seul contre-pouvoir contre l'intox, c'est le peur. Mais crois-moi, j'utilise plus de ruse que tous ces tarbas. Comme dehors c'est la guerre, vaut mieux être soldat que civil. Assis sur un banc camouflé pour éviter les civils. Partout dans la ville, c'est le trafic et le deal. Le marché noir le soir tard pour assurer sa survie. La France meurt doucement, lentement, sûrement, sans son dernier battement, jusqu'au claquement, volontairement, l'enterrement d'une mort chronique annoncée, clairement, dénonçant les manigances et l'excès. La France meurt doucement, lentement, sûrement, sans son dernier battement, jusqu'au claquement, volontairement, l'enterrement d'une mort chronique annoncée, clairement, dénonçant les manigances et l'excès. La Seffran meurt doucement d'un cancer généralisé. Le diagnostic est formel, qui peut encore la sauver? Réalise et choisis ton camp dans la bataille du bon contre le mauvais. De toute façon tu sais que l'honnêteté ne paie pas. La seule loi qui compte est celle du plus lama. De nos jours c'est comme ça, c'est pour ça le chacun pour soi tout pousse à faire des actes insensés. Encensés par la vision du lascar, le moins sensé. La situation dégénère au fil des années. Les plus jeunes ont des lames, des guns, des armes peuvent te shooter. Alors que penser de cette France blessée, attendant d'être pensée, mais lancée dans une mort chronique annoncée. On vit de bise pour s'en sortir en évitant d'être dénoncé. Le système ponce ton esprit, tu n'arrêtes pas d'y penser. La France meurt doucement, lentement, sûrement, sans son dernier battement, jusqu'au claquement, volontairement, l'enterrement d'une mort chronique annoncée, clairement, dénonçant les manigances et l'excès. La France meurt doucement, lentement, sûrement, sans son dernier battement, jusqu'au claquement, volontairement, l'enterrement d'une mort chronique annoncée, clairement, dénonçant les manigances et l'excès. Elle meurt à l'agonie et gémit en silence. Ils essaient de cacher les cicatrices et les conséquences, comme vendre du sang empoisonné avec une seule raison: obéir aux lois du marché. C'est assez, on a du mal à croire la vérité du pouvoir. Est-ce que je dois croire seulement ce que je peux voir? La France est contaminée par une épidémie, une MSP, musique, sexe, chi, valeur sûre de nos années. 90 années du vice, années du bis. Même la police est corrompue, les compromis à la même mise sur la justice. Passage à tabac pour jeune scarlat, c'est une banalité. Et quand la police a tué, les médias se sont jumés. Ici la galère est à portée de tous, sans la brousse urbaine, elle nous éclabousse. Fou la frousse, la violence sème, la récolte sera malsaine car le mal traîne. Comme la haine du FN qui se gangrène autour des HLM, c'est le bis de Harry. Il faudrait que tu saches que les leurs disent joue à cache-cache, le manque de cash dans le Kaira système auquel beaucoup s'attachent. Rien ne change, partout c'est la même, le temps s'écoule et rien ne s'arrange dans ce putain de système. La France meurt doucement, lentement, sûrement, sans son dernier battement, jusqu'au claquement, volontairement, l'enterrement d'une mort chronique annoncée, clairement, dénonçant les manigances et l'excès. La France meurt doucement, lentement.